Vas-y, tiens. Vas-y. Oh. Oh, non. Ouais, Hamza. Je m'en fous, parce que tu me dis que ton meuf, elle dit que ça va pas. Tu es, je peux être déconné.